Il travaille pendant la semaine. Il neige pendant l'hiver. La bibliothèque ferme pendant les vacances. J'attrape toujours un rhume ou deux pendant l'hiver.